matin pour nous donner une parole qui nous guérira. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève ce matin et avec un cri de joie, recevons notre pasteur, Lady Reverend Simon. Come on! Hello, can you hear me? Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Mon juste vivra par la foi. Et Hébreux 11, verset 6 dit, quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Hallelujah. And la Bible. Et la Bible est en train de nous dire que si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux faire plaisir à Dieu, il vous faut quelque chose. Et cette chose s'appelle l'amour. Cette chose s'appelle la paix. Cette chose s'appelle la gentillesse. On dirait qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que cette chose s'appelle. Amen. Cette chose dont nous avons besoin pour faire plaisir à Dieu s'appelle la joie. S'appelle la danse. S'appelle quoi? S'appelle la foi. Donc, si j'étais toi, Je serais très intéressée par savoir comment obtenir ou comment chercher ou avoir cette chose qui me aidera, qui m'aidera à faire plaisir à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent faire plaisir à Dieu? Qui veulent être agréables à Dieu? Ok. La Bible dit que sans la foi, c'est impossible. Donc, la première chose que tu dois chercher, c'est la foi. Parce que sans la foi, c'est impossible. Ça veut dire que tu peux avoir l'amour. Mais sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Are you okay? Sans la foi, il est impossible. Impossible veut dire quoi? C'est pas possible. Pas possible. Donc tu peux être la personne la plus gentille. La personne qui donne le plus. La personne qui est prêt à donner la chemise de son dos aux pauvres. La personne qui est prêt à dormir à l'église pour que tout soit en ordre. La Bible dit que sans la foi, il est impossible. Wow! Donc, est-ce que la foi est quelque chose que nous devons chercher? Si je demande à tout le monde, est-ce que vous avez la foi? Tout le monde dira oui. Mais je crois que beaucoup d'entre nous mélangent la foi avec le fait de croire. Croire est différent de la foi. Tout le monde croit. Mais est-ce que tout le monde a la foi? Ou est-ce que tout le monde a suffisamment de foi? Alléluia. Si je vous demande, est-ce que vous avez la foi en Dieu? Tout le monde dira oui. Si je demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Tout le monde dira oui. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous pensent que croire en Dieu est égal à avoir la foi en Dieu. Amen. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. Et on va apprendre la différence. On va connaître la différence. Amen. Alléluia. La foi nous permet à avoir certaines choses. Nous donne accès à certaines choses. Par exemple, les miracles. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir certains miracles. Amen. Si Dieu dit, mon juste vivra par la foi, ça veut dire qu'il y a une certaine mesure de dépendance sur des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. I don't know if my French is working today. Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si tu vois quelque chose, tu n'as plus besoin d'avoir la foi. Si tu arrives à le voir, tu n'as plus besoin de foi. Amen. Donc, il vous faut une certaine mesure de dépendance sur les choses qui sont invisibles. Par exemple, vous croyez tous en Dieu, mais est-ce que vous avez vu Dieu? Ça, c'est la foi. Amen. J'ai la foi que Dieu existe. C'est pas je crois que Dieu existe, parce que tu n'as jamais vu Dieu. Amen. Je veux lire le même verset dans la Bible du Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Est-ce que je peux relire? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. De posséder ce qu'on espère. Si tu espères, tu n'as pas encore reçu. Mais par la foi, tu possèdes. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Réalité, mais on ne voit pas. Une réalité qu'on ne voit pas. Et d'en être sûr. Waouh! Ça, c'est la foi. Amen. Et c'est différent de croire. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a une certaine mesure de foi. Amen. Dieu nous a donné à chacun une mesure. Amen. Do you agree with me? All right. Where's the verse? Romains 12, verset 3. Romains 12, le verset 3. Si vous lisez vers la fin, ok, let's read the whole thing. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir ses sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de développer cette foi. La foi se développe. Alléluia. Beaucoup d'entre nous disent que nous avons la foi. Et nous essayons d'exercer la foi pour des grandes choses. Des grandes choses. Par exemple, si tu vas aux croisades et les gens cherchent des miracles, vous allez penser que tout le monde attend à recevoir son miracle de guérison. Mais ces mêmes personnes qui cherchent un miracle pour la guérison, guérison d'un cancer, guérison de la cécité, il ne voit pas, il veut voir, il est sourd, il veut entendre. Il est boiteux, il veut marcher. Il cherche la guérison. Mais la plupart d'entre ces personnes n'ont jamais exercé la foi. Par exemple, si vous avez un mal de tête, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Prendre un paracétamol. Is it true or is not true? Ça, c'est la première chose. Réflexe. Comment est-ce que tu peux demander que Dieu te guérisse d'une maladie grave si tu ne peux pas exercer ta foi sur un petit mal de tête? Est-ce que tu ne penses pas que si tu avais vraiment la foi, tu allais exercer ta foi d'abord pour guérir, pour recevoir une guérison de ta maux de tête? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments. I beg you. Je n'ai jamais dit ça et je ne vais pas le dire. Dieu, dans toute sa sagesse, a donné l'intelligence à certaines personnes pour devenir médecins. Et la médecine est là pour nous aider. Donc il ne faut pas vous arrêter quelque part pour dire la dame là, elle a dit. Je n'ai pas dit. Gaston, est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit. Amen. Mais si vous avez la foi, pourquoi ne pas exercer ta foi petit à petit? Pourquoi ne pas exercer ta foi dans des choses banales? Et tu veux, c'est comme si un petit garçon qui n'a jamais été à l'école dit que je vais trouver la formule ou non, le remède pour le sida, par exemple. Est-ce qu'il ne doit pas d'abord apprendre ce que c'est le sida? Est-ce qu'il ne doit pas apprendre d'abord petit à petit et augmenter sa foi? Do you understand what I'm saying? Donc, Dieu nous a donné à tous une mesure de foi. Mais ce que tu fais avec ta foi dépend de toi. Amen. Hallelujah. Let me just stick to the word of God. Sans la foi, il est impossible. Impossible d'être agréable à Dieu. Donc nous allons chercher à apprendre. Nous allons apprendre un peu plus sur la foi. Amen. All right. Abraham, c'était quelqu'un qu'on connaît dans la Bible. Et il est appelé le père de la foi. Mais Abraham n'était pas un homme parfait. Il a fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, il a donné sa femme, Sarah, à un roi. Parce qu'il avait peur. Il disait que sa femme était belle. Et si le roi voyait sa femme, il allait le tuer pour avoir sa femme. Pour ne pas mourir, il préfère donner sa femme au roi. Okay? Et il a fait ça, pas une fois, mais deux fois. Vous voyez? Donc, selon vos critères, peut-être Abraham est déjà disqualifié. Il ne peut pas être un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas foi que Dieu allait le sauver. Deux fois. Mais il est devenu le père de foi. Donc aujourd'hui, peut-être tu es la première personne à prendre des paracétamol. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là-bas. Amen. Tu peux aussi exercer ta foi. Un jour, tu seras appelé l'homme de foi, la femme de foi. Amen. Tu ne dois pas être parfait pour être un homme de foi. Amen. Sinon, nous tous, nous sommes disqualifiés. Mais Abraham a pu atteindre ce niveau. Alléluia. Et quand vous lisez en Hébreux 11, vous allez voir comment il est devenu cet homme de foi. Alléluia. Amen. Romains 4, verset 21 dit, « Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi, verset 22, cela lui fut imputé à justice. » Quand vous croyez avec ferme assurance que Dieu fera ce qu'il a promis, tu es en train d'exercer ta foi. Amen. La différence entre croire et la foi, c'est l'action. La foi s'exerce. Tu dois exercer ta foi. Tu dois agir selon ta foi. Amen. Par exemple, tout le monde a une certaine mesure de foi. Qui est venu ici en bateau au Ghana? En bateau. Ok. Vous êtes venu en avion. Qui est venu en avion? Pour monter dans un avion, il faut exercer la foi. C'est la foi pas seulement dans l'avion, mais aussi dans le pilote. Dès que tu achètes le billet, tu es en train d'exercer la foi. Que si je monte dans ce cet what is it? Appareil. J'ai la foi que ça va monter en l'air. Ça va voler, traverser les mers, les océans, et ça va s'atterrir tranquillement. Et je vais sortir de l'avion, sain et sauf, et je vais regagner ma famille, mon école, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que c'est pas automatique. Il faut demander aux Chinois qui sont dans l'avion de Air Malaysia qui a disparu depuis 2 semaines. Et on ne voit pas l'avion. Un avion a disparu. Hey, qui ne savait pas? Je sais qu'il y a quelqu'un qui ne savait pas. Ah. Tu ne savais pas qu'il y avait un avion. Un avion, pas un avion en papier, ce qu'on jette là. Mais un avion avec des êtres humains dedans, tu ne savais pas. Qui encore? Hey! Hey! Non, mais vous faites comment? Vous êtes sur cette terre ou light off? Je vous ai demandé d'écouter les informations pour apprendre l'anglais. Tu fais comment pour apprendre l'anglais, à part les cours? Tu lis juste les cours. Tu es là depuis combien de temps? 1 an, 1 mois. So your English is good. You try by the grace. Comment tu peux apprendre l'anglais si tu n'écoutes pas l'anglais régulièrement? Tu dois écouter les informations. Tu dois écouter, même si c'est pas l'anglais parfait, il faut écouter. Et tu dois savoir ce qui est. Si on dit, ils ont augmenté, ou bien ton école est fermée, tu ne sauras pas. Fais écouter les informations pour savoir ce qui se passe dans le monde. Tu as déjà entendu parler de Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Tu ne sais pas. Do you know? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Tu connais? Allez, c'est toi. Tu connais? Are you sure? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Oh, ok, c'est vrai, il connaît. Athéna, do you know? Ça, tu connais. Et comment ça se fait que tu ne connais pas? Parce que ce sont les deux nouvelles qui sont courantes maintenant. Du si. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous montez dans l'avion, vous exercez la foi. Quand vous venez le dimanche et puis vous... C'est la foi. Tu as la foi que la chaise ne va pas tomber. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un tomber de la chaise? Que la chaise est cassée, n'est-ce pas? Mais vous avez la foi que vous n'allez pas tomber. Amen. Donc, mesure de foi, nous avons tous. Mais comment l'exercer? Comment le faire grandir? C'est ça la question. Alléluia. Amen. Il faut développer votre foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Jésus-Christ, toujours, avant de faire un miracle, il demandait, est-ce que tu crois? Ou bien quand il guérissait quelqu'un, il disait, oh, tu es béni. Il dit, oh, tu es vraiment fantastique. Tu as été gentil. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Amen. Dans le chant, tu chantais de la femme qui perdait du sang. Amen. Après avoir tout fait, Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a fait marcher vers quelqu'un que tu ne connais pas. C'est la foi qui t'a poussé à tendre la main pour toucher son vêtement. C'est par la foi. La foi agit. Tu ne peux pas t'asseoir dans ton lit et puis dire, oh, si Jésus était ici, peut-être je serais guéri. Non, ta foi va te pousser à te lever pour aller chercher où est-ce que Jésus-Christ est en ce moment. Si je le touche, je sais que je serai guéri. Amen. Donc la foi t'oblige à agir. Si tu as mal à la tête, je t'encourage d'abord de prier. Et si tu vois que ta foi est en train de trembler un peu, pardon, il faut prendre ton paracétamol. Amen. Mais exerce un peu de la foi. Même si tu prends la paracétamol, tu as la foi dans la paracétamol. Que le para va te guérir. Isn't it? Yes, quand tu vas chez le médecin, tu as la foi qui va trouver ce qui ne va pas chez toi. Donc ne dis pas que je n'ai pas la foi. Récemment, il y a un jeune homme qui m'a envoyé un message. Il dit, je veux connaître plus sur la foi. Je veux connaître plus sur la foi. On parle de foi, de foi, de foi. Moi, je ne comprends rien. Je dis, mon frère, tu as la foi. Maintenant, c'est à toi d'exercer pour faire grandir et développer ta foi. Amen. Alléluia. Donc, nous tous, nous avons une certaine mesure de foi. On va regarder certaines... certaines choses concernant la foi. Forgive. Comment développer notre foi? Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons tous reçu certaines mesures. La foi est compliquée. Voilà pourquoi beaucoup ne prêchent pas sur la foi. Ils disent seulement, receive it, take it, receive it, take it, one, take it two. Mais expliquer ce que c'est la foi est difficile. Même la Bible dit que la foi c'est comme un mystère. 1 Timothée 3, verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. 1 Timothée 3, 9. Amen. Le mystère de la foi. Donc, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Mais une fois que tu l'as, tu peux l'exercer et tu peux le développer. Amen. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Matthieu 14, verset 31. Nous allons regarder les différents types de foi. Ou les différents niveaux de foi, si vous voulez. Ça, c'est Peter. Isn't it? Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, beaucoup d'entre nous avons peu de foi. Il dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Quand tu doutes, ta foi est peu, ta foi est petite. Amen. Tu as un peu de foi seulement quand tu as des doutes. Tu as des doutes par rapport à ce que Dieu peut faire pour toi. Tu as des doutes par rapport au fait que Dieu va envoyer l'argent avant le délai. Tu as des doutes. La Bible dit que c'est quelqu'un qui a un peu de foi, qui doute. Amen. Homme de peu de foi. Tu peux avoir une grande foi. Si tu as un peu de foi, tu peux aussi avoir une grande foi. Matthieu 8, verset 5 au verset 10. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Vous connaissez le chant, mais ça vient d'ici. « Dis seulement un mot et je serai guéri. » Isn't it? Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc tu peux avoir un peu de foi, tu peux aussi avoir une grande foi. Donc la foi peut se développer. On peut développer la foi. Le fait qu'aujourd'hui tu ne crois pas ou tu as des doutes aujourd'hui ne veut pas dire que tu auras toujours des doutes. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de si tu es prêt à exercer ta foi. Si tu es prêt à tester Dieu. Si tu es prêt à mettre Dieu en défi. Amen. Ça dépend de toi. Romains 4, verset 17, 19. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta prospérité. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sans faiblir dans la foi. Amen. Ta foi aussi peut devenir faible. Ta foi peut devenir faible. Amen. Aujourd'hui, tu crois, mais tu ne vois pas où tu as la foi. Et tu ne vois pas les résultats. Petit à petit, tu commences à devenir faible dans la foi. Alléluia. Romains 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Tu peux être fortifié par la foi. Ta foi aussi peut être forte. Amen. Donc tu peux avoir un peu de foi. Tu peux avoir une grande foi. Une foi faible. Et aussi une foi forte. Ok? 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Donc, votre foi fait de progrès. Ta foi peut se développer. Amen. Tu peux augmenter ta foi. Alléluia. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent, Luc 17.5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Donc la foi est quelque chose de dynamique. Amen. Ça grandit, ça diminue. Tu peux être faible en foi, tu peux être forte en foi. Tu peux être un homme de peu de foi, tu peux être un homme de grande foi. Mais ça dépend de toi. Amen. Alléluia. Ça dépend de toi. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, C'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc la foi aussi peut être sincère. Wow! Toutes ces qualités d'un mot qu'on utilisait, oh j'ai la foi. Oh j'ai la foi. Tu as la foi, mais quel type de foi? Est-ce que ta foi est sincère? Est-ce que ta foi est faible? Est-ce que tu as un peu de foi? Est-ce que tu as une grande foi? Alléluia! C'est ça qui va déterminer la réponse que Dieu va te donner. La réponse à votre prière. Ah, mais j'ai prié, j'ai la foi. Mais oui, mais tu avais une foi faible. Tu avais un peu de foi seulement. Et tu as commencé à douter. Alléluia. Acte 6, 5. Quand ils cherchaient des gens à aider. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Plein de foi. Tu peux être plein de foi. Alléluia. Amen. Jacques 2, verset 5. Jacques 2, 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Tu peux être riche en la foi. Waouh! La foi n'est pas aussi simple. Alléluia! Jacques 2, 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Tu peux avoir une foi aussi. Amen. Are you with me? 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi aussi fait triompher. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Amen. C'est pas l'armée russe qui vient envahir Crimée. C'est notre foi qui est vraiment la victoire. Alléluia. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc tu peux avoir une foi morte. Elle est morte s'il n'y a pas d'œuvres. Des œuvres qui accompagnent la foi. Amen. Fabienne, are you laughing at me? 1 Timothée 1, 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu peux avoir une foi naufragée. Tu avais la foi, mais tu as fait naufrage par ta foi. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que c'est important d'avoir la foi, mais c'est aussi important de développer la foi. Amen. Parce que ton niveau, le niveau de ta foi peut-être ne peut pas t'aider à recevoir la réponse que tu cherches. Selon ta foi. Tu es guéri selon ta foi. Tu es libéré selon ta foi. Tu es délivré selon ta foi. Beaucoup d'entre nous ont plus de foi dans les pasteurs que dans la parole de Dieu. C'est une erreur. Au lieu de prendre la Bible et lire pour comprendre et pour accepter les vérités, tu cherches à voir le pasteur. Et tant que tu ne vois pas le pasteur, tu ne peux pas avoir une réponse à ta prière. C'est faux. C'est faux. Tu peux prendre la Bible, lire pour toi-même et prendre les paroles de Dieu pour répondre à ton problème. I don't know if you understand me. C'est important de savoir que la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Si tu n'as pas la foi dans la Bible, tu ne dois pas avoir la parole dans un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, s'il est vraiment un homme de Dieu, doit dépendre de la parole. C'est la même parole qu'il va utiliser pour te parler. Amen. Donc ta foi va te sauver. Ta foi va te délivrer. Ta foi va te guérir. C'est ta foi qui va déterminer quelle sorte de réponse tu auras à ta prière. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. All right. Comment améliorer votre foi alors? Qui veut savoir? C'est simple. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est tout. La foi vient de ce qu'on entend. Tu crois ce que tu entends. Et par rapport à ce que tu te laisses entendre, ta foi va augmenter ou diminuer ou disparaître ou s'affaiblir ou agrandir ou faire naufrage selon ce que tu entends, selon ce que tu permets à entrer dans tes oreilles et dans ton système, dans ton cœur. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Par exemple, tu vois les bergers devant. Tu n'as pas de problème avec un berger. Aucun des bergers. Tu es OK. Mais un jour, quelqu'un vient te dire, « Hey, est-ce que tu as entendu ?» Tu as entendu. Tu vois, quand tu regardes devant là, tu vois les deux bergers qui sont toujours en train de bavarder. Il y a toujours une fille qui est en train de parler dans l'oreille d'un des bergers devant là. Tu sais, j'ai entendu. Hein? Ça, c'est ce que j'ai entendu. Ah, on sait. Et à cause de ce que tu entends, tu commences à avoir des doutes par rapport à la personne. Et j'ai vu le berger. Tu sais, il y avait un berger ici. Et il s'appelle... comment est-ce qu'il s'appelle? Le berger... James Bond. James Bond. Il habitait à la Joe Inside. Et il avait une cellule chez lui. Il paraît que là-bas, souvent, il y avait seulement deux personnes. Lui et sa copine. Et quand elle venait, toujours, ils entraient dans la chambre. Et la cellule, voilà la raison pour laquelle la cellule ne grandissait jamais. Quand les gens venaient, ils les chassaient. Parce qu'ils voulaient être toujours seuls. La foi vient de ce qu'on entend. Donc la prochaine fois, quand tu vas dans une cellule, tu vois qu'il y a seulement deux personnes. Tu dis, je me demande. Si ce qui est arrivé à James Bond est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que tu as entendu quelque chose. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Amen. Tu augmentes ta foi par rapport à ce que tu entends, ce que tu écoutes. Amen. Dis, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Si tu entends la parole de Christ, tu entends des prédications, tu entends, tu lis la parole, ce que tu acceptes dans ton cœur, c'est ce qui va augmenter ta foi. Si tu lis que Dieu il guérit les malades, il ressuscite les morts, et tu lis qu'il y a une femme qui a perdu du sang, elle a touché le... Quand tu lis, et tu lis souvent, tu lis encore et encore, ta foi va grandir. Tu vas augmenter ta foi. Quand tu entends parler des miracles aux croisades, ta foi va grandir. Amen. Mais quand tu lis et tu écoutes les critiques, les choses négatives sur les hommes de Dieu, sur les églises, ta foi va aussi augmenter dans ce sens. Tu vas croire ce que tu entends. Plus tu entends une chose, plus tu vas le croire. Tu entends une chose, une fois, deux fois, trois fois, tu vas commencer à dire, ah, mais c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc ça doit être vrai. Tu augmentes ta foi par rapport à ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'une fois que l'information entre dans ton cœur, ça commence à travailler. Ça commence à travailler sur toi. Amen. Ça va affaiblir ta foi ou ça va augmenter ta foi. Ça va grandir ta foi ou ça va diminuer ta foi. Amen. Are you listening to me? Donc, la foi, en ce qui concerne la foi, nous avons tous une mesure. Donc, nous avons tous la capacité d'être agréables à Dieu. Maintenant, ce que nous faisons avec notre foi dépend de nous. Alléluia. Si sans la foi, il est impossible de lui être agréable, je vous dirais aussi que dépendant de votre niveau de foi, tu seras agréable de plus en plus à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi, une aussi grande foi. Il comparait. Il disait non, j'ai vu des gens qui ont exercé la foi, ils ont reçu. Mais en tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Amen. Donc il était touché par la foi de cet homme et il a agi. L'homme a dit, c'est pas la peine, ne me touche pas, ne viens pas chez moi, dis seulement un mot. Toi, si tu ne vois pas le pasteur, si tu ne t'assois pas devant le pasteur, si tu ne, pasteur ne prie pas pour toi, s'il ne verse pas de l'eau sur toi, s'il ne te donne pas de l'eau sainte à amener chez toi, s'il ne te demande pas de te laver avec quelque chose, s'il ne te dise pas, fais ceci, tu n'auras pas la foi. Parce que pour toi, la foi vient de ce que tu vois. La foi ne vient pas de ce que tu entends, mais ce que tu vois. S'il ne m'a pas donné une bouteille avec de l'eau sainte dedans, ce n'est pas un bon homme de Dieu. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne m'a rien donné. Il n'a pas la puissance. C'est comme certaines personnes, quand ils vont à l'hôpital, si le médecin, tant que le médecin n'a pas donné une piqûre, ce n'est pas un bon médecin. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un vieillard dans le village, au village. Chaque fois, il allait à l'hôpital. Il disait au médecin, « Médecin, je suis malade. Je suis malade. » Il dit, « Tu as quoi ?» Il dit, « C'est mon dos, c'est mes genoux, c'est le côté. » Tu es sûr? On fait l'examen, il n'y a rien. Il dit, « Non, tu n'es pas malade. » Il dit, « Non, je suis malade. » Et puis, il commence à faire du bruit. Et le médecin est obligé de lui donner quelque chose. Fatigué, le médecin dit à l'infirmière, tu sais, quand il vient, tu prends le seringue, tu mets de l'eau, et puis tu lui donnes. Quand il vient, il dit, ah, je suis souffrant, on examine, oh, ok, c'est vrai, va voir l'infirmière. Et elle donne... Petit piqûre, il dit, ah, je me sens mieux. Donc, il était content, il disait, non, ce médecin-là, il est vraiment bon. C'est un bon médecin. Il commence à évangéliser le médecin. Et beaucoup, nous sommes comme ça, aussi spirituellement. Tant que tu ne reçois pas, tu ne prends pas, tu n'as pas la foi. Quand tu vas en Israël, les petits souvenirs là, ils vendent beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens pensent que s'ils prennent un peu de sable venant d'Israël, Hey! S'ils prennent de l'eau de la rivière Jourdain, hey! S'ils prennent de l'huile, des olives de je sais pas, Jérusalem, ah! On cherche toujours quelque chose. L'eau sainte. Hey, je suis allé voir un homme de Dieu. Il m'a dit, quand le pasteur prophète Fabian, il dit toujours, quand on demande aux gens de venir avec une bouteille d'huile pour la prière, c'est le jour où l'église sera remplie. Quand on demande, amène une bouteille d'eau, on va prier sur l'eau, l'église est remplie. Parce que les gens cherchent, ils veulent des choses. Ils ont plus confiance dans les choses que ce qu'ils entendent. Mais la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends, pas ce que tu reçois, pas ce qu'on te donne. Amen. Exerce ta foi en augmentant ce que tu entends, ce que tu reçois comme parole de Dieu. Amen. Yeah. Voilà pourquoi il y a toujours des gens dans les camps de prière, il y a toujours des gens dans les églises des prophètes, il y a toujours. Mais les églises où ils prêchent la parole, sauf si tu as une certaine révélation. Yeah. Amen. Je crois que Dieu va agir dans nos vies. Plus que tu exerces ta foi, plus tu verras la main de Dieu. Amen. Nous allons continuer dans le deuxième culte. Levez-vous. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi les gens sont fatigués. Je vois beaucoup de personnes dormir. Si c'est le sujet... Alléluia. Je vous conseille de ne pas venir pour le deuxième culte parce que je vais continuer. Alléluia. Let us pray. Priez. Si vous avez sommeil, vous allez prier plus fort que les autres. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour cette parole sur la foi. Seigneur, je sais que tu veux faire quelque chose dans nos vies. Voilà pourquoi tu prends le temps de nous enseigner. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour la lumière que tu apportes dans nos vies par rapport à la foi. Seigneur, nous serons guéris. Nous serons délivrés. Nous serons libérés. Seigneur, parce que notre foi va augmenter. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es Dieu et tu règnes. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Augmente notre foi, Seigneur, selon ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour vous ce matin, si vous êtes là, vous ne connaissez pas Dieu personnellement. Vous venez à l'église parce que vous croyez connaître Dieu. Vous croyez en Dieu. Mais ce matin, j'aimerais prier pour vous si vous n'avez jamais pris la décision d'ouvrir ton cœur ou votre cœur à Dieu. La Bible déclare que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu es né de nouveau ou pas. Tu ne sais pas si tu meurs aujourd'hui, si tu iras au ciel ou en enfer. Mon frère, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux exercer ta foi ce matin. Tu veux dire, je veux accepter Jésus dans ma vie. Je veux qu'il me pardonne, qu'il me lave de tous mes péchés. Je veux naître de nouveau. Si tu es là comme ça, je veux prier pour toi. Lève seulement la main droite. Je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux l'inviter dans ton cœur. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu veux dire, je crois. Je veux confesser devant cette assemblée que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Lève la main. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, mon frère. N'aie pas peur, n'hésite pas. Derrière là-bas, je vois la main. Merci. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu veux faire le choix. Lève la main, je veux prier pour toi. Lève la main seulement. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Viens. Viens, mon frère. Viens. Viens devant. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Merci, je vois la main. Sois béni. Venez. Nous allons prier. Je vais demander à tout le monde de prier avec nous. Prier avec nous, c'est le Seigneur. Alléluia. Pour le salut de notre frère, pour votre salut aussi. Fermons les yeux. Et répétez, s'il vous plaît, la prière. Faites de cette prière votre prière personnelle. D'accord? Ok. Ensemble, on y va. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Frère, répète après moi la prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, je prends une décision. Je renonce à tout qui me retient dans le monde. Et aujourd'hui, je décide que je vais te suivre. Et je vais te servir. Seigneur Jésus, fais ce que tu voudras dans ma vie. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Je ne te suivrai pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir transformé. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Mon frère, s'il vous plaît, vous voyez le, il y a un jeune homme ici, il aimerait vous parler. Suivez-le. Il va vous dire un mot et après vous allez gagner votre place. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Amen.